here are five new masculine words that are easy to remember because they're very much like their English equivalents. Le parc. The park. Le cinéma. The cinema. Le théâtre. The theatre. Le restaurant. The restaurant. Le musée. The museum. Now listen to someone asking how to get to each of those places. 1. Pour aller au cinéma, s'il vous plaît. 2. Pour aller au musée, s'il vous plaît. 3. Pour aller au restaurant, s'il vous plaît. 4. Pour aller au parc, s'il vous plaît. 5. Pour aller au théâtre, s'il vous plaît.